Chapitre 5. Jugement de la mère de Merlin. Puis Merlin fut ramené à la mer, qu'il allaita durant 9 mois. Cependant les matrones ne pouvaient revenir de leur surprise de le voir si velu et si fort, car à peine fut-il né qu'il semblait avoir plus de 2 ans. Au bout de 18 mois, elles jugèrent qu'il était temps pour elles de revenir dans leur logis, car enfin elles ne pouvaient rester toujours enfermées loin de leurs amis et de leur lignage. Après les avoir vainement priées de prolonger leur séjour, la mère pleurait appuyée sur la fenêtre de la tour en tenant l'enfant dans ses bras. « Ah, beau fils !» s'écriait-elle, « je recevrai la mort à cause de vous. Je ne l'ai pas mérité, mais qui voudra m'en croire ?» L'enfant, la regardant alors, « Belle mère, » dit-il, « n'ayez peur, vous ne mourrez pas pour chose qui de moi soit avenue. » La mère l'entendit, et dans son émotion, laissa choir à terre l'enfant. Les matrones accoururent. « Quoi ? » dirent-elles. « Le voulez-vous donc tuer ?» Elle raconta les mots que venait de prononcer l'enfant. Ce fut à qui d'elles trois le ferait encore parler. Mais elles eurent beau l'exciter, il resta silencieux. Quelques jours après, la mère s'adressant aux matrones, « Dites devant lui que je serai brûlée en punition du crime de sa naissance. Nous verrons s'il parlera. » Les femmes, alors, « Ah, quel malheur d'âme pour votre beau corps qui sera brûlé à cause de cet enfant, maudit le jour de sa naissance !»« Vous mentez !» cria Merlin. « Ma mère vous a fait ainsi parler, mais vous êtes plus folle qu'elle et plus grande pécheresse !» Ces paroles les effrayèrent tellement qu'elles ne voulurent plus rester davantage. Cependant, les juges convinrent de prononcer à 40 jours de là leur sentence. Le terme arrivé, la demoiselle se présenta, tenant l'enfant entre ses bras et déclarant, comme elle l'avait déjà fait, qu'elle ne connaissait pas celui qui l'avait rendu mère. « Mais, dit le principal juge, on prétend que cet enfant parle comme un homme d'âge. Attend-il pour le faire que sa mère soit brûlée ?» L'enfant, se tordant alors au bras de sa mère, fut mis à terre et s'approchant du siège des juges. « Pourquoi ? Dit-il. « Voulez-vous brûler ma mère ?»« C'est, répond le juge, parce qu'elle t'a conçu à la honte de son corps et qu'elle ne veut pas nommer celui qui t'a engendré. Nous ne pouvons violer la loi de nos pères. Ce serait, reprit l'enfant, à bon droit si elle avait fait le mal qu'on suppose et si d'autres que l'on ne punit pas n'en avaient pas fait autant non plus. Nous la condamnons, dit le juge, parce qu'elle ne veut pas avouer ton père. Je connais bien, dit l'enfant, de qui je suis le fils, et votre mère sait mieux quel est votre père que la mienne ne sait quel est le mien. Que parles-tu de ma mère ? Dit le juge. Je suis prêt à entendre tout ce que tu peux en dire. Eh bien, si tu faisais droite justice, tu la condamnerais la première. Le juge envoya quérir la dame. Elle venue, il dit en s'adressant au peuple, voici ma mère. « Écoutez ce que l'enfant va dire d'elle. »« Ah !» dit Merlin, « vous êtes moins sage que vous ne croyez. Conduisez votre mère en chambre fermée. Ne laissez entrer près d'elle que vous, deux de vos conseillers les plus privés et moi. Mais si vous reconnaissez qu'elle est plus coupable que ma mère, jugerez-vous encore que celle-ci mérite la mort ?»« Non, nous en faisons le serment, » dirent tous ceux qui siégeaient avec le juge. Quand ils furent enfermés, Merlin dit « Vous feriez mieux de reconnaître l'innocence de ma mère, sans rien enquérir de la vôtre. »« Oh !» répond le juge, « tu n'échapperas pas ainsi, il faut que tu parles. »« Eh bien, je le répète, votre mère connaît mieux quel est votre père que ma mère ne sait quel est le mien. »« Et quoi, belle mère ? » dit le juge, « ne suis-je pas fils de votre loyal époux ? » ?»« Mon cher fils, » répond-elle. « De quel autre pourriez-vous être né ?»« Dame, » dit Merlin, « il vous faut dire à votre fils la vérité. Vous êtes veuve, mais son père est encore vivant. C'est votre prouvaire, à telles enseignes qu'au moment de vous abandonner à lui, vous lui dites que vous aviez peur de concevoir. » Dans Chargier, prouvaire, prêtre, prébendier. Il vous rassura en promettant de tenir note des jours où il vous verrait, pour savoir lui-même au juste si l'enfant serait à lui, non à quelqu'un d'autre dont il avait soupçon et qui n'était pas votre mari. Avant cela, vous viviez séparés de votre baron. « Ah, mon fils !» interrompit la mère. « Pourriez-vous croire de pareilles vilenies de la bouche de l'ennemi ?»« Si vous le niez, » reprit Merlin, « je vous dirai autre chose. Quand vous avez reconnu votre grossesse, vous avez averti le prouvaire. Il alla trouver votre seigneur et fit tant qu'il vous réconcilia. Vous avez passé la nuit avec votre baron, si bien que le prud'homme ne douta plus que l'enfant ne fût sien. Ainsi les choses se passent en maint autre lieu. » Ces dernières paroles confondirent la femme du juge. Elle ne trouva plus un seul mot à répondre, et son fils s'adressant à elle. « Belle-mère, dit-il, quel que soit mon père, je n'oublierai pas que je suis votre fils. Dites donc la vérité. » « Eh bien, dit la mère, je ne puis le cacher plus longtemps. La vérité est dans ce que l'enfant vient de dire. » « S'il en est ainsi, dit le juge à Merlin, je ne punirai pas dans ta mère le crime que je pardonne à la mienne. Mais afin de satisfaire le peuple, tu me diras le véritable nom de ton père. » Merlin répondit, « Je confesserai librement ce que je n'aurais pas dit de force. Je suis né d'un ennemi qui engigna ma mère. Cet ordre d'ennemis se nomme Incube. Ils habitent les régions de l'air. » Et Dieu leur permet de connaître les choses et les paroles passées. C'est par lui que j'ai su le secret de ma naissance. Mais notre Seigneur, en raison de la bonté de ma mère, de son repentir et de sa pénitence, m'a donné la faculté de connaître l'avenir. Je vais t'en donner la preuve. » Tirant alors le juge à l'écart, « Ta mère, en sortant d'ici, ira trouver celui qui t'a engendré. Elle lui apprendra ce que je t'ai découvert. » Le prouvaire aussitôt sentira une telle peur de ta vengeance qu'il se laissera conduire par le démon à une rivière dans laquelle il se noiera. » La chose arriva telle que Merlin l'avait annoncée. Le juge déclara au peuple que la mère avait été justifiée par son fils, l'enfant le plus sage qu'on eût jamais vu. Le peuple se retira satisfait et Merlin, prenant congé du juge, le pria de raconter tout ce qui venait de se passer au prud'homme qui avait conseillé sa mère. Il se nommait Blaise, et ce fut lui que Merlin devait charger plus tard d'écrire ce qui lui arriverait.